Mimésis. Chapitre 17. Visite surprise. Sur le toit du cimetière, un allée-transport m'attend. À bord, je fouille sous le siège comme entendu. J'en sors un petit paquet dont une partie du contenu m'interpelle. Un passe-partout numérique, de niveau militaire. Le même qu'on sort durant les perquises. Une patte molle, présentée comme un explosif à n'employer qu'en dernier recours. Une boîte noire, enfin, censée contenir un puissant barbiturique. Du matos de contrebande, oui, mais du matos de flic. Provenance directe des stocks. Je me doutais qu'on pouvait en trouver au marché noir. La corruption gangrène est vide d'une administration déjà dépourvue de moyens. Si je pouvais mettre la main sur ces charognards. L'appareil décolle sans attendre. La ville sous mes pieds s'étend à perte de vue. Elle étale, insolente, ses buildings éclairés jour et nuit. À l'intérieur, une vie s'efforce de se trouver une occupation, qui un loisir, qui une mission, mais personne n'est dupe. Au fond, tout ce petit monde s'ennuie et n'a qu'une idée en tête, c'est fuir, tout bonnement. Il se crée des mondes meilleurs pour mieux fermer les yeux, espère que tout se réglera tout seul. C'est trop tard, les enfants. Vous le savez aussi bien que moi. Coupables, tous autant que nous sommes. Dirigés par une tête pourrie jusqu'au rachis. J'aimerais qu'ils sautent, tous, et que nous recommencions sans eux. On a fini par le croire, mais le système n'a rien d'autonome, non? Va falloir y mettre un terme. J'ai coupé toute communication, noyé les pistes autant que possible. Je ne peux plus le suivre que par bribes, en changeant régulièrement de connexion. Cette vision tronquée m'est pénible, mais la réussite de la mission en dépend. Si mes créateurs me repèrent et comprennent ce que j'essaye de faire... Voilà, j'arrive enfin. Le toit de Vercorp. Pas le siège, non, mais la tour secondaire. Celle qui abrite les luxueux logements de fonction. Jamais de ma vie j'aurais pensé un jour cambrioler un appart, alors celui du dirigeant d'une multinationale. Sous mes pieds, la piste d'atterrissage et toute lumière éteinte. Ariane a coupé l'électricité le temps de mon approche. Je sors en vitesse, le paquet sous le bras. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je lui ouvre la porte. Appelle l'ascenseur. Non, il y a quelqu'un. Cache-toi. L'inspecteur a de bons réflexes. Il se jette sans bruit sur le côté, attend dans l'ombre que sorte le passant, puis s'engouffre dans la cabine. Je force la fermeture des portes et l'envoie au dernier sous-sol. Une centaine d'étages défilent à toute allure. Je pensais que les meilleures places étaient en hauteur. L'ascenseur s'ouvre sur un petit corridor au mur desquels sont accrochés de véritables tableaux en toile. J'enfile mon masque et avance avec prudence, l'arme à la main. Ariane a désactivé la sécurité, mais si je me fie à la machine, je redoute en revanche les excès de zèle de quelques gardiens en chair et en os qui me prendraient pour un vulgaire voleur. Je sursaute quand je croise la silhouette élancée d'un majordome électronique. Le robot, tout de noir luisant, semble fait d'un seul bloc tant ses jointures sont fines. Posté devant la porte dans l'attente de son maître, sa tête sans visage est aussi mystérieuse qu'effrayante. J'espère qu'Ariane sait ce qu'elle fait. Je fais quelques pas dans sa direction. Pas de mouvement. Dans le doute, je ne traîne pas. Je sors le passe-partout et le plaque contre la première porte. En moins d'une minute, le chiffre m'en saute. C'est presque trop facile. L'appartement s'illumine dès mon entrée. Bordel ! Les capteurs de mouvement fonctionnent encore ? Je me rue sur le panneau de contrôle principal et insère la clé de récupération censée corrompre tout le système de domotique. Aussitôt, la lumière dorée se meurt jusqu'au rouge sombre. J'ai court-circuité tout le système. J'espère qu'aucune alarme ne s'est déclenchée. j'ai gagné l'accès à son appartement. Ce nouvel espace est pour moi comme une terra incognita. J'en suis l'exploratrice, l'aventurière, et l'expédition du moindre circuit est un sentiment merveilleux d'exaltation et de puissance. Je bute cependant sur des verrous dont l'ouverture me résiste outrageusement. Inspecteur, je compte sur toi. Ariane doit être entrée. Bon, tout va bien. Elle me guide en allumant chaque pièce l'une après l'autre. Je dois bien faire attention à ne rien bouger qui trahisse ma venue. Je fouille d'abord le salon, puis une chambre. C'est donc à ça que ça ressemble, l'appartement d'un milliardaire. Je suis fasciné par la richesse de la décoration. Une bibliothèque remplie de livres. Des œuvres d'art en tout genre, dont une série d'anneaux suspendus au plafond. Et même des plantes que je n'ai jamais vues. Mais le plus étonnant, c'est ce tigre empaillé qui garde le lit, l'air féroce. Ça peut pas être un vrai. Je trouve un premier bureau, fermé électroniquement, mais le passe-partout en vient facilement à bout. Je retiens ma respiration, comme si j'allais découvrir un trésor. Mais sitôt la poignée enclenchée, tout l'appartement se met à clignoter à une vitesse folle. Putain, quelqu'un s'amène! Je cours dans le salon, cherche à la hâte un endroit pour me cacher. Je ne trouve rien de mieux qu'une penderie. Merde, merde, merde! Le PDG arrive. J'ai mis un temps fou à le repérer, comme si quelque chose avait occulté ma vision. Mais j'y vois clair à présent et décèle deux autres individus en approche. Des femmes. Vulgaires. L'ensemble montre les symptômes d'une intoxication alcoolique. Il rit, très fort, et l'homme tâte à plusieurs reprises le corps de ses partenaires, comme pour s'assurer de la bonne qualité de la marchandise. Le spectacle est navrant. Il faudrait que je les repousse, les retarde au moins. Mais je suis comme boutée hors du réseau. Le majordome s'active à l'approche de son maître, qu'il salue avec force politesse. Lui entre dans l'appartement, sans lui adresser le moindre regard, suivi de ses donzelles qui gloussent à la vue du décor. D'un bar automatique sortent des cocktails instantanés. Les femmes se ruent sur le canapé, commencent à boire, aguicheuses. Dans son placard, l'inspecteur est immobile. J'entends presque les battements de son cœur qui s'affolent. Ne t'en fais pas. Tout n'est pas perdu.